D'abord, je vous remercie de l'invitation à Michel Barthélémy et vous. À l'origine de cette invitation, effectivement, il y a cet article de Mediapart qui reprend une de nos indignations récentes en tant qu'association des professeurs de sciences économiques et sociales, puisque il y a au sein de, depuis 2-3 ans, au sein de l'éducation nationale, 2 ans maintenant, une nouvelle instance consultative qui s'appelle le Conseil national éducation économie, qui est censé réfléchir à l'adéquation entre le système éducatif et les besoins du monde professionnel. C'est un conseil qui est composé de manière paritaire par des représentants des employeurs, des salariés, des enseignants, de l'administration, des collectivités locales. Et ce conseil a été renouvelé, les membres ont été renouvelés très récemment, fin mars, et parmi les nouveaux entrants, nous avons 3 actuels ou anciens dirigeants de l'Institut de l'entreprise, à savoir Jean-Pierre Boisivon, qui était un ancien délégué général, Xavier Huillard, qui est son actuel président, et Michel Pébreau, qui a été un de ses présidents les plus actifs, et particulièrement actif contre l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée. Donc 3 quand même nouveaux entrants de l'IDE, ça nous semblait beaucoup trop. Surtout que, voilà, on connaît justement l'historique de cet institut qui s'évertue à transformer l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée vers un enseignement d'économie de type libéral. Pour aller vite, hein, et je détaillerai un petit peu ce qu'ils ont tenté de faire, et je dirais, ils ont eu, mon intervention, je crois, essaiera de le montrer, une influence, non pas tant directe, même s'ils ont tenté d'avoir une influence directe sur les programmes, une influence latérale, que j'essaierai de retracer. Alors, en m'appuyant notamment sur les travaux d'un chapitre, d'un ouvrage à paraître, hein, aux éditions La Découverte, sur les sciences économiques et sociales, qui paraît dans 15 jours, un chapitre qui a été rédigé par Gérard Grosse, qui est présent ici, et puis Elisabeth Châtel, hein, qui refont cette genèse des sciences économiques et sociales, notamment en revenant sur la période de la fin des années 2000, où les programmes et les épreuves de baccalauréat ont changé. Hein. Alors, pour revenir un petit peu sur cette période, effectivement, du milieu des années 2000, il faut bien prendre un point de départ, et il est intéressant de voir qu'au ministère des Finances, en 2005-2006, le ministère commande des sondages pour tester, pour mesurer une culture économique des Français. Alors, naturellement, l'instrument de sondage peut-il véritablement mesurer cette prétendue culture économique? On peut en douter. Toujours est-il que les résultats amènent à faire s'inquiéter nos dirigeants sur l'état de cette culture économique qui serait naturellement trop faible, et une des causes identifiées spécifiquement, ce serait l'enseignement défaillant de l'économie et des sciences économiques et sociales dans le secondaire. Suite à ces premiers sondages, un institut va être mis en place, le CODIS, le Conseil pour la diffusion de la culture économique, qui lui-même, périodiquement, va continuer de commander des sondages prouvant toujours la culture économique des Français et l'attribuant encore à l'enseignement, quand bien même les personnes interrogées, pour leur écrasante majorité, n'auraient jamais suivi cet enseignement au cours de leur scolarité. Alors, on a une sorte de ce qu'appelle Sabine Rosier la construction sondagière du problème de la culture économique des Français. À la même époque, ou légèrement après, 2006, 2007, 2008, on a une multiplication d'interventions de lobbies patronaux qui vont établir des études, entre guillemets, des rapports d'études de manuels scolaires, seconde, première, terminale, ou avec des morceaux bien choisis, leur conclusion est de dire que les sciences économiques et sociales dépriment la jeunesse, ont vécu une vision pessimiste de la société et idéologiquement biaisée. Alors, face à ces différentes interventions, alors ce sont des associations de type l'association Jeunesse Entreprise, elle est dirigée par Yvon Gattaz, ancien président du CNPF, ancêtre du MEDEF, je parle du CNPF pour l'ancêtre, hein, pas de catastrophe. Ancêtre du MEDEF, on a également l'association Positive Entreprise, dirigée par Thibault Langsade, qui lui-même a été candidat à la présidence du MEDEF. Et puis on a des interventions également de l'Institut de l'Entreprise. Alors l'Institut de l'Entreprise, a un projet idéologique clairement assumé. Hein. On a des traces d'un discours de Michel Pébrot à l'époque où il en était le président, en 2006, hein, devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui déclare qu'il serait peut-être bon d'effectuer un travail pédagogique de fond sur nos lycéens, comme cela a été fait par les entreprises depuis 20 ans, auprès de leurs salariés, afin de les sensibiliser aux contraintes du libéralisme et à améliorer leur compétitivité en adhérant au projet de leur entreprise. Bon, donc il n'y a pas de mystère, les mots sont dits, et l'Institut de l'entreprise va essayer de jouer ce rôle de lobbying et va parvenir d'ailleurs à avoir un pied dans l'éducation nationale, puisque il intervient directement dans les contenus qui vont être enseignés. Il met à disposition des enseignants un manuel scolaire en ligne gratuit qui s'appelle Melchior, qui propose des contenus pédagogiques. Il noue un partenariat avec le ministère pour proposer des stages de formation aux enseignants de sciences économiques et sociales et d'économie-gestion d'ailleurs. Il organise chaque année des entretiens enseignants-entreprises qui sont animés par des économistes et des dirigeants d'entreprises, etc. Donc on voit véritablement cette volonté d'influer sur les contenus d'enseignement, sur le curriculum. Alors, à un moment spécifique, je crois quand même, à la même époque, donc en 2008, c'est la publication parallèle du rapport de l'Académie des sciences morales et politiques. La section économie de l'Académie des sciences morales et politiques publie un rapport au vitriol sur l'enseignement des sciences économiques et sociales. Qui est membre de cette section économie? Ben, on retrouve Yvon Gattaz, on retrouve Michel Pébrot, hein, qui sont à l'origine de ce rapport. Là encore, il passe à la moulinette des programmes scolaires ou des manuels pour conclure que l'enseignement des SES n'a qu'un rapport lointain avec ce qui se fait en sciences économiques et à l'université, que l'enseignement est gravement défectueux, que l'on propage un relativisme du café du commerce, que tout cela est affecté d'un biais vraiment pessimiste, avec un ton négatif et compassionnel. Donc compassionnel, c'est déjà utilisé hein, dans ce rapport. C'est un terme qu'on retrouvera effectivement dans le rapport Gagné, hein, vous l'avez souligné. Et le choix des textes et des illustrations paraît trop souvent relevé de présupposés, dans certains cas assez idéologiques, notamment vis-à-vis du marché. Hein, parce que imaginez-vous que dans les manuels de sciences économiques et sociales, dans un manuel en fait de sciences économiques et sociales de première, parmi 8 photos, il y en a une qui représente un tableau de vente d'esclaves, d'accord, pour pouvoir faire réfléchir aux élèves sur le fait que le marché autorise la vente ou pas de certains biens à certaines époques, etc. Bref, on a toutes ces critiques qui sont formulées, avec une critique que je ne résiste pas quand même à vous livrer, parce que faut bien s'imaginer qu'on est en 2008, hein, et il est écrit. Voilà, on a des rapporteurs dans ce rapport qui sont outrés qu'un manuel présente les limites des marchés financiers, parce que selon eux, il est bien connu de tous les économistes depuis les travaux d'Arrow et de Breu qu'en l'absence d'asymétrie d'information, des marchés financiers complets peuvent réaliser une allocation efficace des risques entre les agents. Alors, voilà, donc on est un peu avant la faillite de Lehman Brothers, mais on est quand même après Bear Stearns. Hein, mais bon, voilà, c'est... Voilà un petit peu le genre de critiques et le sérieux des critiques hein, qui sont formulées dans ce rapport. Toujours est-il que qui est membre également de l'Académie des sciences morales et politiques dans une autre section? Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale. Et Xavier Darcos va, par un effet d'agenda, d'une certaine manière, va lancer une commission Guenry pour répondre à ces critiques qui, dans le rapport Guenry, sont supposées venir de la société civile, mais en fait émanent essentiellement des lobbies patronaux. Ah, donc c'est en 2007-2008 qu'est lancée la commission Guenry. Commission Guenry, je rappelle, est effectivement dirigée par Roger Guenry, professeur au Collège de France, mais elle est composée d'économistes, de sociologues, d'enseignants en classe préparatoire, du président de l'APSES de l'époque, Sylvain David, et également de Michel Pébrot. Alors, non pas au titre de représentant de l'Institut de l'entreprise, hein, mais au titre d'une de ses nombreuses casquettes de membre du Haut Conseil à l'éducation. Donc c'est à ce titre-là qu'il est nommé dans la commission Guenry, mais personne n'est dupe, bien sûr, c'est parce que les critiques émanent de lui qu'il est intégré par le pouvoir politique en place de l'époque dans la commission où l'on retrouve également l'inspection générale des sciences économiques et sociales. Alors, que nous dit le rapport Guenry en 2008? Bon, il va faire des critiques qui sont, pour certaines, assez acceptées par le corps enseignant. Les programmes sont trop ambitieux, trop lourds. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est accepté par la grande majorité des enseignants. Il y a une ambition démesurée et des épreuves de bac qui parfois peuvent peut-être donner une prime au talent rhétorique au détriment de l'argumentation et de la réflexion plus analytique, on va dire. Mais il y a également d'autres critiques là qui vont être rejetées ou contestées par notamment par l'APSES. Une des critiques qui est formulée comme ayant un petit peu le trait de l'évidence, alors qu'elle ne l'a pas dans l'enseignement secondaire, c'est qu'il y a non-conformité entre ce qui est fait au lycée et ce qui est fait à la fac. Ça, c'est livré comme une critique qui n'a même pas besoin d'être justifiée, alors que justement, elle mériterait d'être justifiée. N'y a-t-il pas des raisons, on pense que oui, on donnera quelques explications ensuite, pour que l'enseignement soit pas identique, ne soit pas un décalque de ce qui se fait à l'université. L'autre critique, c'est que la macroéconomie occuperait trop de place, alors que la microéconomie devrait être développée parce qu'elle est scientifiquement plus assurée, nous dit le rapport Guenry. Donc on a une hiérarchie, la microéconomie, et on retrouve là des choses qui sont déjà véhiculées également par Michel Pébreau auparavant. La microéconomie serait scientifiquement plus assurée. Et puis la sociologie qui se déploie dans les programmes est compassionnelle. Et compassionnelle. Alors ce que propose du coup le rapport Guenry, c'est de refonder totalement l'enseignement de sciences économiques et sociales. Donc c'est une refondation. En ayant comme objectif prioritaire d'acquérir des raisonnements qui soient disciplinaires, qui se concentrent sur des outils, sur des concepts propres aux disciplines universitaires pour mieux ancrer l'enseignement secondaire dans les acquis scientifiques des disciplines de référence, que sont la science économique et la sociologie. Et donc il faut écarter l'étude de questions qui sont trop complexes ou trop controversées. Donc ça, c'est le corollaire, bien sûr, de la proposition du rapport Guenry. Alors, ce rapport servira de base à la réforme des programmes qui interviendra au moment de la réforme Châtel des lycées. La réforme Châtel des lycées, c'est à partir de 2010, ça se met progressivement en application de 2010 à 2012, on va dire, entre la seconde et la terminale, et à ce moment-là, les programmes sont réécrits, et les nouveaux programmes se réclament du rapport Guenry, et selon nous, vont se traduire par un recul criant du pluralisme dans notre enseignement. Alors, sur quel plan? Il y a d'abord un recul du pluralisme et un recul des débats sur les approches conceptuelles. Je vais prendre un exemple, notamment puisque le programme de première explique qu'il faut enseigner, comme l'indiquait le rapport Guenry, qu'il faut présenter aux élèves les spécificités du raisonnement de l'économiste. Alors, l'économiste est singulier déjà, il n'y a pas de raisonnement au pluriel, des économistes au pluriel. Et qu'est-ce qui est entendu par là? C'est de mettre l'accent sur le raisonnement coût-bénéfice qui est au cœur de l'analyse économique. Donc déjà, en termes d'approche de l'économie, l'une est mise naturellement sur un plan bien supérieur aux autres qui sont d'ailleurs pas citées et explicitées dans la démarche de l'économiste qu'il faut présenter aux élèves. Quelles sont les notions qui sont censées illustrer cette démarche de l'économiste? C'est rareté, choix, incitation, contrainte, coût d'opportunité, modèle. Voilà, je crois que là, on a véritablement une illustration de ce qui a été la philosophie des programmes, même si ensuite, dans certains chapitres, on pourra trouver, ici ou là, naturellement, des approches conceptuelles qui sont autres que celles qui sont présentées ici. Mais je dirais que c'est quand même ce qui a servi de philosophie, première au programme. En sociologie, ce qui a été très marquant, c'est le recul des problématiques liées à la structure sociale dans les programmes. Auparavant, dès la classe de seconde, les enseignants devaient présenter la classification socio-professionnelle, les PCS de l'INSEE. Ça a disparu en classe de seconde. C'est à peine évoqué selon les programmes en classe de première. Et la notion de classe sociale disparaît des classes de première. Alors même qu'il y a un chapitre sur les groupes sociaux où on nous parle de sentiments d'appartenance. Les classes sociales ne sont présentes dans les programmes de sciences économiques et sociales qu'en terminale. Donc, elles sont encore présentes, mais en fort recul par rapport aux programmes précédents. Autre marqueur, je crois, du recul des débats entre disciplines, c'est la transformation des épreuves de baccalauréat. Il y a aujourd'hui deux épreuves de baccalauréat, deux sujets possibles pour les élèves, soit un sujet de dissertation, soit un sujet d'une épreuve qui s'appelle épreuve composée. La dissertation permet toujours les sujets de type débat, mais elle est choisie minoritairement, même si on a encore peu de recul, hein, puisqu'on n'a que 2 ans de session de bac derrière nous pour voir ça, elle est quand même, sur les 2 dernières années, choisie minoritairement par les élèves. L'épreuve la plus choisie, c'est l'épreuve composée. Or, dans l'épreuve composée, la partie qui est la plus argumentée, il est interdit, par le bulletin officiel, de poser des sujets de type débat. Ce sont des questions de type démonstration. Montrez que. Alors, donc montrer que, alors parfois ça peut être montrer que, et puis on doit montrer une thèse interventionniste, et parfois montrer que, montrer une thèse libérale. Mais dans les deux cas, on va priver les élèves de leur capacité réflexive et de leur capacité critique. Donc, ces sujets débat ne disparaissent pas totalement de l'enseignement des sciences économiques et sociales, on les trouve encore dans les programmes, on peut les trouver en dissertation, mais ils sont en recul. Naturellement, le pluralisme recule également en termes de pluralisme des disciplines dans les nouveaux programmes. Pourquoi ? Parce que le programme de première, le programme de terminale cloisonne très explicitement l'économie et la sociologie. Vous avez un grand bloc de programme consacré uniquement à la sociologie, à l'économie d'abord, parce que voilà, faut mettre des disciplines dans l'ordre et dans le bon ordre. L'économie d'abord, un gros bloc, souvent très conséquent. La sociologie ensuite, regroupé avec la science politique, et puis en fin d'année dans le programme tel qu'il est rédigé, après les enseignants sont libres de faire les thèmes un peu comme ils le souhaitent, mais vous avez 4 semaines à peu près au mieux où on peut associer sur certains thèmes les différentes sciences sociales pour étudier des thématiques comme l'entreprise ou le marché du travail par exemple. Mais vous avez des thèmes qui échappent totalement à la pluridisciplinarité. En classe de première, la monnaie n'est vu que sous l'angle économique. Le marché ne fait partie que de la partie économie du programme. Donc un recul du pluralisme disciplinaire. Alors ça peut donner lieu à des aberrations, c'est-à-dire que le premier chapitre de l'année de première pour les élèves s'intitule « Dans un monde de ressources limitées, comment faire des choix ?» Donc là on voit bien quel aspect de la science économique est mis en avant. Hein. Alors je vous lis un peu les indications complémentaires, c'est-à-dire les précisions, qu'est-ce qu'on attend vraiment hein, sur ce chapitre-là. Alors à partir d'exemples simples, choix de forfait téléphonique, par exemple, on introduira les notions de rareté et d'utilité marginale. Bon, premier chapitre, voilà, on commence par l'utilité marginale. Bon. On s'appuiera sur une représentation graphique simple de la contrainte budgétaire pour caractériser les principaux déterminants des choix, alors tout de même sans évoquer les courbes d'indifférence. Alors, il s'agit d'illustrer la démarche de l'économiste qui modélise des situations dans lesquelles les individus sont confrontés à la nécessité de faire des choix de consommation. Ça, c'est clairement en rupture avec le projet des sciences économiques et sociales que développera Stéphane Beau. C'est-à-dire que les sciences économiques et sociales s'intéressent à la consommation pour expliquer la consommation, pas pour illustrer la démarche de l'économiste. Si on veut expliquer la consommation, bien sûr qu'on aura besoin de cette démarche-là, on aura besoin de démarches en économie qui soient complémentaires, mais on aura aussi besoin des apports des autres sciences sociales. Alors, je crois que l'interventionnisme également de l'Institut de l'entreprise a pu avoir des effets parce qu'il y a certaines questions qui étaient polémiques qui ont disparu des programmes. Alors je dirais à la fois de l'Institut de l'entreprise et puis surtout du rapport Guenry qui justement recommande d'écarter ces questions trop controversées. En classe de seconde, quand on parle de l'entreprise, maintenant, l'entreprise, c'est le lieu où se combinent les facteurs de production. Auparavant, c'était aussi un lieu où pouvait y avoir un contrat de travail, où pouvait y avoir des rapports sociaux de production. Aujourd'hui, c'est simplement vu sous peut-on substituer capital et travail, etc. En terminale, tout ce qui était lié à l'organisation du travail dans l'entreprise a disparu également. Alors, pour essayer de trouver une logique à ces évolutions curriculaires, on a des lobbies patronaux qui sont proches, donc, qui veulent jouer un rôle sur les programmes et qui vont trouver quand même des points d'appui chez certains enseignants, chez certains universitaires. Je crois que si on veut comprendre un petit peu les luttes qu'il y a pu y avoir sur les programmes, il faut qu'on les relie aussi à ce qui se passe au sein du monde universitaire et au sein des luttes qui existent entre économistes et entre différentes approches de l'économie. Entre une économie science des choix et une économie politique. On retrouve tout à fait ce débat dans les programmes de sciences économiques et sociales. Historiquement, les programmes de sciences économiques et sociales sont beaucoup plus du côté de l'économie politique. Il le reste encore, mais moins qu'auparavant, avec la réforme des années 2010. Donc, on a des points de vue politiques différents sur ce qui mérite d'être enseigné. Et ces points de vue politiques, ces débats politiques, on les retrouve en traduction ensuite dans les programmes scolaires. Alors, peut-être pour laisser peut-être aussi un peu plus de temps, un peu plus de temps à la discussion, je vais juste revenir sur ce qui a lancé peut-être ce séminaire sur le renouvellement des membres du Conseil national éducation économie. Michel Pébrot n'en faisait pas partie officiellement auparavant. Ceci dit, il était à la tête d'un groupe de travail qui était consacré à la culture économique encore des Français. Et ce groupe de travail, alors on sait parce qu'il y a aussi des représentants syndicaux dans ces instances qui ont pu nous informer qu'au sein de ce groupe de travail, Michel Pébrot a continué toujours et encore de critiquer les sciences économiques et sociales. Ils ont fait un petit rapport qui n'était pas censé être publié, mais dont nous avons obtenu une copie, dans lequel ils font une note de 4 pages, voilà, jugeant ce qui se passe dans le système éducatif français. Alors, quelles sont les conclusions de ce groupe de travail dirigé par Michel Pébrot il y a quelques mois, hein, c'était il y a quelques mois. D'abord, l'économie comme discipline d'enseignement au secondaire, donc ça nous concerne, hein, est qualifiée encore une fois de théorique. Ça, c'est mal, la théorie, pour Michel Pébrot, et macroéconomique. C'est encore mal, la macroéconomie. Donc on arrive à une pseudo... ce groupe de travail prône une culture économique qui soit fondée sur une approche qui soit beaucoup plus individuelle, plus proche des élèves, et plus microéconomique. D'accord. Donc on voit bien que, dans l'optique de Michel Pébrot, et de l'Institut de l'entreprise également, ce qu'il importe, c'est pas de former des citoyens qui sont aptes à comprendre... Les grands enjeux contemporains. C'est véritablement d'avoir des individus qui soient préparés aux contraintes du libéralisme. Alors nous, au contraire, je crois qu'il faut, essayer de résister contre ça. Il est probable que les programmes de sciences économiques et sociales soient réformés prochainement au lycée, puisque on a eu la réforme du collège là, qui est en train d'être mise en application. Il devrait y avoir normalement une réforme des lycées et des discussions avec les syndicats devraient s'engager à l'été, hein, sur une possible réforme des lycées qui impliquerait également une réforme des programmes scolaires. Alors on a depuis l'arrivée d'abord de Vincent Payon au ministère de l'Éducation nationale une nouvelle instance qui est le Conseil supérieur des programmes qui a été créé, instance indépendante, où on peut espérer que une partie des critiques que nous portons aujourd'hui contre les programmes actuels, puisse être entendu. Mais je dirais que c'est jamais certain et que l'histoire a montré qu'à chaque fois que les programmes de sciences économiques et sociales devaient être réécrits, on n'était jamais à l'abri de ces influences, au contraire, jamais à l'abri de ces influences, et notamment des influences patronales. Voilà, je vais arrêter là peut-être juste pour cette présentation rapide pour qu'on puisse avoir assez de temps pour la discussion. Alors, parce qu'on organise le débat, peut-être je pourrais suggérer que Stéphane et Frédéric, si vous voulez, vous poser des questions peut-être sur ce qui vient d'être dit, si ça vous tente. Non. Comme ça, non. On fait un tour de questions générales qui ne durera pas trop longtemps pour qu'on ait une vaste. Que la discussion s'enrichisse des apports successifs. Voilà, donc la parole est à qui vous la prendre. Je vous en prie. Gérard Rose, comme l'a dit Henri Babel, j'étais professeur de sciences économiques et sociales, je reste toujours de cœur, mais je ne suis plus en activité. Je voulais juste apporter une précision, enfin, tu l'as dit, mais insister aussi sur un aspect. Cette influence de l'Institut de l'entreprise est évidente et certaine, tient certainement aussi à la personnalité et aux obsessions de M. Pébrot lui-même, mais je crois que ça n'a été quand même possible, cette pénétration dans les programmes et dans une partie aussi du corps enseignant de SOS, très minoritaire, mais qu'il ne faut pas nommer, que parce qu'il y a eu aussi un rôle de l'inspection générale des sciences économiques et sociales qui a changé au cours du temps et qui s'est fait, alors peut-être pas le porte-parole direct des intérêts de l'Institut de l'entreprise, mais en tout cas qui a eu une oreille bienveillante. Une oreille bienveillante à ce genre de discours, qui a facilité un partenariat quand même très très particulier, très avantageux pour l'Institut d'entreprise de formation. Je veux dire que les ennemis étaient aussi à l'intérieur. Hein, ce n'est pas simplement des influences externes venues d'un certain monde de l'entreprise, mais il y avait aussi au sein de l'éducation nationale et au sein de l'inspection générale de SES, et puis aussi chez un certain nombre d'enseignants, pour des raisons autres, mais cette volonté de transformer, de réformer, éventuellement de fond en comble, cet enseignement. C'est important pour expliquer quand même une des 40 caractéristiques quand même de cette discipline compliquée, bâtarde, qui sont les SES. C'est qu'effectivement, l'inspection générale ne joue pas du tout le rôle équivalent aux autres inspections générales. Quand vous êtes un exemple historique très important, quand vous êtes un grand philosophe comme Canguilhem, si vous êtes pendant des années inspecteur général de philosophie et vous jouez un rôle majeur dans la réalisation de philosophie, dans le concours, dans le recrutement, etc., l'inspection générale des SES, en fait, c'est une inspection qui est complètement en fait, de bric et de broc, puisque principalement, pendant des années, à part Palma, dont je parlais tout à l'heure, qui a été pendant très longtemps celui qui tenait l'inspection, qui était un normalien et de l'histoire, Guy Palma, à part lui, bon, après, il y a eu un tas de gens qui étaient nommés au tour extérieur, parce que c'est une façon de recaser, les recaler en politique, notamment de l'UDR ou de l'UMP. Donc on a une inspection générale, voilà, depuis très longtemps à droite, qui ne connaît rien à la sociologie, évidemment, très peu en histoire, très peu non plus en économie, donc ce ne sont pas du tout des spécialistes de domaine. Donc c'est quand même une particularité historique de cette discipline qui est phénoménale. Et alors, une anecdote frappante sur le rôle de l'inspection générale et ses liens avec l'Institut de l'entreprise. Avant la réforme Châtel, il devait y avoir une réforme d'Arcos, hein, qui a avorté parce que les lycéens sont descendus dans la rue, mais pendant un certain temps, on a cru qu'il y aurait une réforme d'Arcos, et donc il y a eu des groupes de travail, des groupes de programmes qui ont été lancés. Et vous avez eu un groupe en sciences économiques et sociales, un groupe qui était chargé de rédiger le programme de seconde. Alors dedans, vous aviez l'inspection, le doyen d'inspection générale de SES, Jean-Étienne. Vous aviez un sociologue, Pierre-Paul Zalliot, un économiste, Antoine Dautume, et puis des enseignants, les inspecteurs pédagogiques régionaux. Et lors d'une des réunions, à un moment, l'inspection générale reçoit un coup de fil, sort, revient et dit « Vous ne devinerez jamais qui j'ai eu au téléphone. Michel Pébrou. » Il trouve que dans le projet de programme, il faudrait parler de ci, de ça. D'accord ? Alors, à ce moment-là, il y a des personnes qui se lèvent et qui se disent « Bon, attendez, si c'est Michel Pébrou qui écrit les programmes, on s'en va. » Mais on est clairement dans des relations, voilà, où Michel Pébrou appelle sur son téléphone le doyen d'inspection générale pour donner son avis sur des projets de programme qui sont a priori pas publics, enfin qui sont pas du tout publics, personne ne connaît, mis à part normalement le groupe, qui est en train de les rédiger. Donc on a effectivement ces liens et cette collusion et ensuite qui explique, hein, pourquoi les programmes ont évolué dans ce sens-là. J'avais une question sur le rôle de la finance pour tous dans ce paysage, en fait. Le rôle de la finance pour tous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une association qui est financée, je crois, par essentiellement des boîtes du CAC 40, si je ne me trompe pas. Et on trouve un ancien inspecteur général de sciences économiques et sociales qui y émarge. et qui a comme objectif de développer la culture financière, hein, des citoyens. Alors, deux façons de le voir, hein, c'est soit donner des armes à des citoyens qui sont dépassés par des questions financières trop complexes pour eux, soit moyen également de faciliter la transition vers des financements de protection sociale qui soient de plus en plus financiarisés. Bon. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'intervention directe contre les sciences économiques et sociales de la finance pour tous. Ils peuvent avoir des revendications sur il faut enseigner davantage la finance à l'école, et ça peut commencer chez eux dès l'école primaire ou le collège, où nous ne sommes pas présents. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'intervention directe pour critiquer. On n'a pas de trace en tout cas de ça, on a eu connaissance de ça, de tentatives de lobbying sur le contenu des programmes. C'est vrai que ça peut parler de la formation, ça peut être un point d'accès, puisque on peut, dans ces salles de formation comme professeur, accéder justement au séminaire de la finance pour tous. Oui, et alors dans les contenus pédagogiques qui sont proposés par la finance pour tous, vous avez des enseignants de sciences économiques et sociales qui participent à la création de ces contenus pédagogiques, y compris des enseignants de sciences économiques et sociales, qui sont véritablement en tête l'idée qu'il faut rester pluraliste, etc. etc. Et, bah, du coup, nous, pour dire là-dessus, on est déjà à l'ESPE de Paris, et on devait avoir une intervention de la finance pour tous aujourd'hui. D'accord. Il n'est pas venu pour le coup, mais en tout cas, c'est prévu. D'accord. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que l'ESPE. C'est aussi des anciens lieux. Les anciens lieux. Tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, les structures dont on parle, le Conseil national éducation, économie, le Conseil supérieur des programmes, j'imagine, a une composition paritaire. Alors, une composition, oui, il y a une composition paritaire au sein du Conseil national éducation, économie. Et il y a une composition... Alors, le Conseil supérieur des programmes, c'est un peu particulier, parce que vous avez le Conseil supérieur des programmes comme instance officielle, qui effectivement est paritaire, mais ensuite, ceux qui rédigent le programme, ce ne sont pas directement les députés qui sont membres du Conseil supérieur des programmes. Donc, ils vont nommer des groupes de travail. Donc, je dirais que l'enjeu majeur, ça va être, pour les sciences économiques et sociales, ça va être comment sont composés les groupes de travail chargés de rédiger les programmes. Une avancée déjà qu'on peut mettre au crédit du Conseil supérieur des programmes, c'est que d'une part, les membres des groupes de travail sont connus, ce qui n'était pas le cas auparavant, et que normalement, il y a au moins 50% d'enseignants et d'enseignants face à des élèves de lycée, dans le cas de notre discipline. Hein. Donc pour l'instant, en tout cas, alors après, il se posera toujours la question du choix de ces enseignants. Hein, ça déplace peut-être le problème, mais tout de même, ça laissera peut-être un peu moins de place dans les groupes d'écriture des programmes. Alors, Gérald Gros en parlerait bien mieux que moi, mais il y a une domination symbolique très très forte des universitaires sur les enseignants du secondaire. Alors, pourtant, c'est les enseignants du secondaire qui vont devoir enseigner ce qui va être écrit sur la feuille. Alors, l'aspect numérique peut quand même aider, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'enseignants du secondaire, bah, s'ils sont 5 à dire que non, bon, l'idée pourrait sembler intéressante, l'idée formulée par tel économiste ou tel sociologue, aussi compétent qu'il soit, pourrait sembler intéressante, mais non, face à des élèves de seconde, vraiment ça va être compliqué, on peut imaginer que leurs paroles soient entendues. S'il n'y a que un ou deux enseignants qui vont dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus difficile. Pour le Conseil national éducation économie, il y a effectivement la parité, puis il y a aussi qui va être présent et qui va être très actif. Dans le conseil précédent, il y avait Pierre Gattaz, qui était membre du Conseil national économie, mais il n'était pas du tout présent. Voilà, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, il n'était pas présent. Là, Michel Pébreau, lui, il va être nommé. Jean-Pierre Boisivon, Xavier Huillard, ils sont nommés, et ils vont être présents, et ils vont être actifs. Donc il y a ces éléments-là également à prendre en compte quand on en... Et alors, il y avait une question sous-jacente à ma première question. C'est-à-dire que, bon, est-ce que... nous n'avons pas mis, je fais un peu l'avocat du diable, est-ce que nous n'avons pas mis, est-ce que ce n'est pas un effet de loupe qui nous fait voir l'influence du patronat comme une influence un peu excessive, comme un lobbying, alors qu'on peut voir qu'au sein du Conseil supérieur des programmes, il y a aussi une sorte de domination des universitaires sur les profs du secondaire. Dans le CNE2E, il y a aussi les représentants de l'administration centrale, il y a les représentants de conseils régionaux. Est-ce que, du coup, si on met tous ces gens-là, si on essaye de voir comment ça marche, l'organisation, on va pas plutôt voir des luttes d'influence ou des rapports de force entre différentes catégories, donc au final peut-être que le patronat ne ressortira pas comme l'instance dominante. Non, alors, mon propos n'a pas été de dire que c'est l'instance dominante, c'est une instance qui a eu un effet très très important en termes de mise à l'agenda d'un problème et de création d'un problème de l'enseignement de l'économie. D'accord. Son influence, je l'ai dit au début de mon intervention, est plutôt latérale, au sens où ensuite, ce sont les universitaires qui eux-mêmes ont des luttes internes, hein, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, eux-mêmes sont, notamment au sein des économistes universitaires, sont en lutte interne pour essayer de faire valoir une conception d'une économie par rapport à une autre, et donc on a ces effets-là qui se conjuguent, et il est évident que lorsque les programmes sont écrits, c'est davantage les problématiques universitaires et les luttes d'influence au sein du monde universitaire, alors au sein de la discipline économie et entre les disciplines économie et sociologie, qui vont prendre le pas. Mais il y a un effet d'agenda, de création de problèmes, qui, lui, est plutôt issu des lobbies patronaux. C'est-à-dire que les universitaires économistes ne se saisissent pas d'eux-mêmes de la question des sciences économiques et sociales, qui, a priori, est plutôt éloignée de leurs préoccupations premières. Donc c'est suite à une commande du pouvoir politique, la commission Guenry, dans le cas récent, hein, et commande politique qui intervient après des articles dans Challenge, des articles dans Capital, des rapports de l'association Jeunesse Entreprise, de Positive Entreprise, de l'Institut d'Entreprise, etc. C'est plutôt le sens de mon propos. La réforme des programmes, il y a aussi des enjeux en termes de didactique de la discipline des SES qui se posent, en tout cas tel que nous, ça nous est présenté en formation, on met l'accent sur ces enjeux-là, sur l'enjeu de, d'un côté, une approche interdisciplinaire qui serait un peu dans l'ADN des SES, proche d'une approche dérivée d'école des annales, en gros, versus une volonté de cloisonner davantage les disciplines, mais aussi pour des raisons, finalement, d'acquisition des élèves. C'est comme ça aussi qu'il y a des questionnements aussi au sein des professeurs de SES, notamment de la part d'Alain Béton, pour ne pas le nommer, pour défendre une approche qui est centrée sur un cloisonnement disciplinaire, parce que c'est aussi ça qui permettrait une meilleure acquisition chez les élèves, et notamment pour un potentiel d'égalisation des acquis des élèves par rapport à des approches plus de type plus inductif qui auraient des effets en termes d'inégalité sociale. Est-ce que c'est des questions qui se posent au moment de la rédaction du programme, ou est-ce que c'est une retraduction ex poste par des profs? Non, bien sûr. Non, c'est pas une reconstruction ex poste. Hein, c'est vraiment. Alors, Alain Béton, d'ailleurs, faisait partie du groupe d'experts qui a rédigé les nouveaux programmes. Et clairement, il y a effectivement ce débat didactique au sein de la discipline, de notre discipline, sciences économiques et sociales, qui est clairement présent. La position d'Alain Béton est de dire... Il y a plusieurs choses, je vais peut-être en retenir un ou deux aspects. Dire que on risquerait de mal faire apprendre aux élèves si on essayait de faire à la fois de l'économie et de la sociologie en même temps, parce que ça ne serait pas suffisamment scientifique, les élèves s'y perdraient d'une certaine manière. Donc il faut, puisque les disciplines sont séparées au niveau universitaire, il faut décalquer ce modèle, de manière peut-être un peu réduite, mais décalquer ce modèle dans l'enseignement secondaire. L'idée est d'avoir un enseignement qui soit beaucoup plus scientifique et qui ait une base scientifique et épistémologique qui serait plus solide. Mais concernant les sciences sociales, dire que cloisonner les disciplines ou faire d'abord de l'économie puis de la sociologie, c'est plus scientifique, c'est déjà une prise de position épistémologique forte. D'accord. On trouve aussi dans l'enseignement secondaire des débats sur l'unité des sciences sociales, quand même. Donc, je crois que le débat est, tel qu'il est présenté par Alain Betton est biaisé lorsqu'il dit « soyons plus scientifiques et étudions séparément les disciplines », alors même qu'au sein de la communauté scientifique, il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une unité des sciences sociales ou une spécialisation disciplinaire ? Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a ce débat didactique qui est posé et qui est même explicité dans le préambule des programmes de sciences économiques et sociales. Dans le préambule, il y a une partie didactique qui dit, en gros, que avant de croiser les regards disciplinaires, il faut acquérir les regards disciplinaires. D'accord ? Que avant d'étudier la consommation sous l'angle à la fois économique et sociologique, il faut d'abord avoir acquis le raisonnement coût-bénéfice, etc., etc. Nous pensons que, d'une part, ça conduit généralement à un appauvrissement de l'étude des phénomènes sociaux qu'on étudie, parce qu'en fait, à force de cloisonner, il faut cloisonner longtemps avant de croiser les regards, et on n'a plus le temps de croiser les regards. Et puis surtout, je ne crois pas que, si on fait référence à des théories un petit peu socio-constructivistes des apprentissages, quand on essaie de créer des situations problèmes où les élèves vont être face à un obstacle pour comprendre un phénomène qu'ils pensaient comprendre, et en fait ils s'aperçoivent que leur outillage et les conceptions qu'ils avaient antérieurement ne suffisent pas à expliquer le phénomène qui est face à eux. Pour essayer de dépasser ça, ils ont à la fois besoin d'avoir des éclairages de l'économie et de la sociologie pour ne garder que ces deux disciplines. Donc, même si on fait référence à des théories socio-constructivistes, il me semble que le cloisonnement ne va pas de soi et pas du tout de soi. Et qu'on est d'autant plus motivé dans des apprentissages quand on veut essayer de comprendre un phénomène comme la consommation de manière un peu plus globale. Et comme on est motivé, on sera, je crois, plus à même d'acquérir justement les spécificités des raisonnements économiques et des raisonnements sociologiques, par exemple, les spécificités, leur complémentarité ou leur similitude parfois sur certains thèmes. On va bientôt passer, je crois, au deuxième exposé, mais auparavant, j'aurais une question à poser. J'ai le sentiment que dans le rapport de force de la bataille pour le pluralisme, il y a un très important qui est la position des enseignants. Bon, votre présence en tant que vice-président de l'association parmi nous aujourd'hui montre bien qu'il y a une dominante assez massive, je crois, pour soutenir une conception pluraliste et intégrée, en quelque sorte, des sciences sociales. Qu'est-ce qui produit ce miracle ? Voilà ma question. En d'autres termes, est-ce que vous pouvez, très brièvement, parce que malheureusement c'est un sujet en soi, mais disons, décrire un peu la morphologie du corps enseignant en termes de formation initiale, sociologue, économiste. Parmi les économistes, c'est un choix que d'aller enseigner les SES. Peut-être que ceux qui sont les plus fervents microéconomistes ne le font moins facilement. Est-ce qu'il y a en quelque sorte un espoir très fort qui tient en fait que dans son mode de reproduction, le corps lui-même secrète les anticorps, en quelque sorte, de l'affaire. Et ce n'est pas les inspecteurs boiteux dont parlait Stéphane tout à l'heure qui va vous empêcher de travailler correctement. Voilà. Il y a une force là. D'où vient-elle ? Je ne sais pas si on peut parler de miracle, je ne suis pas sûr de pouvoir trouver les causes. Il y a peut-être quand même quelques éléments. On est une discipline relativement petite. Hein, on a un peu plus de 5000 enseignants en France, ce qui n'est pas énorme pour une discipline d'enseignement. On est présent essentiellement dans la série ES du lycée, en première uniquement et terminale ES, et puis en plus présent effectivement pour toutes les classes de seconde. Donc on a un effectif relativement faible et on a une histoire très mouvementée. C'est-à-dire que depuis sa création, soit la place des sciences économiques et sociales dans le système éducatif, soit le contenu de l'enseignement est remis en question de manière récurrente à chaque réforme. Donc on a une histoire de mobilisation sociale assez forte. Cette histoire de mobilisation sociale va créer des valeurs communes et une identité peut-être plus forte que dans d'autres disciplines. Donc ça peut être un élément d'explication de cette cohésion-là. On a, en termes de formation initiale, alors on a des... on n'a pas vraiment d'études poussées sur... Il manque une grosse thèse sur les produits. Oui. Ouais. On n'a pas d'études poussées sur la formation initiale. On a quand même quelques indices. On a quelques indices. Alors, vous allez voir, ils ne sont pas totalement représentatifs. On a parfois l'ABSES lance des enquêtes sur voilà, telle ou telle partie de l'enseignement. Et puis, on va avoir une question sur quelle est votre formation initiale. Donc, ceux qui ont répondu, qui ne sont pas non plus totalement représentatifs du corps, hein, puisque ce sont ceux qui ont répondu à une enquête de l'ABSES. Mais bon, en tout cas, on a à peu près, et c'est des chiffres qu'on retrouve dans plusieurs enquêtes ou dans plusieurs études, à peu près 60% de formation initiale économique. Donc la majorité du corps est composée de personnes ayant une formation initiale en économie. Donc ça peut être même un peu au-delà de 60%. Le reste est constitué de formation en sociologie, de formation en Sciences Po, en IEP. En IEP. À une époque aussi, des personnes qui enseignaient auparavant l'histoire et géographie, naturellement, ont intégré les sciences économiques et sociales au moment de sa création. Voilà, je crois aussi que le fait que l'enseignement fonctionne bien, c'est aussi face à nos élèves, globalement, ce que montrent les enquêtes. On a une enquête de Roger Establé là-dessus au moment où Merlieu était conseiller de M. Allègre. On a demandé aux lycéens ce qu'ils appréciaient dans les disciplines, à la fois pour leur épanouissement, leur culture personnelle, et pour leur futur professionnel. Et la discipline qui ressort avec le plus d'appréciation positive, mais très largement par rapport aux autres, sont les sciences économiques et sociales. Parce qu'elles répondent à la fois à un besoin d'épanouissement personnel des élèves, de meilleure compréhension du monde qui les entoure, et d'insertion professionnelle. Donc on est plutôt une discipline où on a la chance, globalement, de pouvoir intéresser les élèves, et les programmes tels qu'on les a pratiqués, bon, nous confortent dans l'idée que la position qu'on défend, elle a un sens. Donc il y a peut-être aussi cette relation avec les élèves qui peut expliquer qu'on peut réagir assez vivement parfois quand on essaie de remettre en cause cette vision. Juste un point, si tu l'as dit en filigrane, mais quand tu as parlé des mobilisations récurrentes, je crois qu'il y a quand même un élément non négligeable dans ce miracle qu'on faisait mention, c'est le rôle de l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, qui est une association qui regroupe un bon tiers des profs, ce qui est rarissime. Ça n'existe pas, les associations professionnelles, même les plus importantes, genre la profession des profs de maths, etc., c'est jamais à ce niveau-là. Et qui a en plus un rôle très fort de socialisation, qui organise chaque année des stages, etc. Donc il y a une vie associative, qui a un site internet, qui a une vie associative très dense. Et je crois que c'est un rôle non négligeable dans la reproduction un petit peu de ce corps un peu... Alors, notre ami Pascal Kumpmann parlait d'une discipline indisciplinée, elle est peut-être moins qu'avant, mais enfin, il y a, je crois, un rôle non négligeable de l'association. Merci beaucoup. Alors maintenant, une toute dernière question. Ce miracle, est-ce qu'on peut espérer qu'il soit pérenne? Alors, on est juste pour ça. Comme dirait l'autorité des marchés financiers, des résultats passés ne préjugent pas de l'avenir, mais on est sur une pente ascendante, notamment en termes d'adhésion. C'est-à-dire que là, cette année, on a battu à nouveau notre record d'adhésion au sein de l'association. On est à 1558 au 5 mai, 1558 adhérents. Les cotisations entrent. Il va falloir qu'on appelle la finance pour tous, pour avoir quelques conseils judicieux. Donc on est quand même sur une pente ascendante, ce qui est vraiment la pente inverse de ce qui est constaté par les syndicats, par exemple. Donc on est dans une dynamique qui est plutôt porteuse actuellement. Après, on ne préjuge pas de ce qui se passera ensuite, bien sûr.